Ok, dans la pause c'est pas une pièce de jure. Rien d'autre à faire donc j'rappe, j'gratte un 16 de plus. Lâche des gaines, juste mes cartouches. Osir, honneur, immerse, mec du SK Crew, voilà. Yes Namur, on vient toucher les frères. C'est pour planer, on m'a coupé les ailes, hey. Tu peux me croiser sur ce rein avec un spliff trop large. Stylo, prod, papier, micro, c'est ma prise d'otage. 2010, reste président dire. J't'explique en un sens que d'autres rédigent en vice. J'prends sur moi, mais les gens, mes cœurs graves. Tu verras pas ma ville dans un leaf, Neckerman, hey. Nique le beat, mec, attends, c'est pas long. Ici, on se fait la guerre comme Flamand et Wallon. En studio avec les potes, on kiffe. C'est bon pour tes oreilles comme un coton tisse. Mon cœur bat sur le rythme des batteries dites là. Que le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. Mon cœur bat sur le rythme des batteries dites là. Que le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. 2010, le mouvement d'un cracra. Un cyprit gouverné par la claque là. Chacun dans son coin, ici y'a pas de rond-point. Chacun s'aime, c'est grave, beaucoup de Nemo et peu de requins. Rêve pas trop, oublie la tour au café là. MC tient ton micro et zap là, fais là. Trop sur le filon, dis-moi qui gère le guidon. Rivalité, bidon, dans chaque coin ça met des petits bons. Ce pays n'est pas plus grand que mon doigt de pied. Mais on regarde ton code postal avant de te laisser monter. Génération pita, traquant la Dolce Vita, c'est un bon d'où que tu sois, je partage ma chicha, y'a des borrettes partout. Laisse-les se baiser entre, calcule pas leur partout, laisse-les bomber le ventre. Je participe pas à la course, c'est pas de ma faute si mon pic éclabousse. A chaque sèche, y'a de la grosse aise en gousse. Mon cœur bat sur le rythme des batteries dites là. Que le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. Mon cœur bat sur le rythme des batteries dites là. Que le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. Ouais, je veux réussir moi, mes peu franchissent la barre. Je fais de la musique, mais pas style Francis Lalanne. Avec un beat, changer tout, on se dit qu'on aurait pu. Dans ma tête, ouais, ça va plus, puis je confonds nord et sud. Mais je suis pas seul dans le cas, face à ce qu'on raconte. Il paraît qu'après la tempête, l'orage gronde. Le dialogue m'emballe, je le prouve et j'en parle. Puis je me sens mieux quand je frappe avec mes grandes box dans le sac. Chaque mois, je mets 100 euros pour un sachet de salade. On paye cash, puis crois pas qu'on rachète sa life. Faut du sens, faut pas qu'un air de malade. Puis je t'explique, c'est dans mon cœur que ma peine se balade. Propose rien, sinon j'empoche cash. Cinglé, je me sens seul, un peu comme Jean-Claude Rage. Et si tu passes des étapes, faudra faire prudemment. Pense pas négatif, sinon c'est perdu d'avance. Mon cœur bat sur le rythme des batteries qui claquent. Le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. Mon cœur bat sur le rythme des batteries qui claquent. Le temps passe, certains restent et y'a des amis qui partent. Prends sur moi. Et quand je gratte, j'évacue. On perd nos raisons, y'a plus que le rap et la thune. Le flow.